Ben David Ba'ad, Chitipol Edom, Amezal Zelim et Israël. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Machiav viendra que quand Edom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la vie de Machiav. Mourir l'arme à la main, ou bien crever d'apathie. Quel est le plus funeste des destins? Maintenant lève-toi pour ta patrie. Fuir reste une option certes, mais elle n'est qu'éphémère. Donc pense à ta descendance, mais fais le nécessaire. Sors le CZ pour avaler sur les disciples d'aimer Césaire. Parce qu'aujourd'hui les colons c'est eux, que c'est notre peuple qui en meurt. Comme le Hamas, j'aime pas les bamboulas, mais j'aime le Hezbollah. Et je trouve que pour une fois, les forces de Staline font du bon boulot. À part sa BDS, réserve ta prose à d'autres, j'ai rien à foutre ta cause. Je suis un arrière conscient, pas un disciple de la monde poupéto. C'est pas je déteste les métèques, je les méprise juste pour ceux qui sont tout simplement des créatures des juifs. Et peut-être qu'après tout la catharsis trouve dans le génocide, un gigantesque holocauste, mais pas pour de faux cette fois. Le port de l'étoile jaune, ça serait déjà un bon départ, mais faut un Judenhaus derrière comme ça, bon débarras. Judenhaus, Judenhaus, Judenhaus, Judenhaus, Judenhaus, Judenhaus, Judenhaus, ein Volkenreichenführer, Judenhaus, Hans nimmt den Flammenwerfer, Judenhaus. Moi et mes gars sur Einsatzgruppen et ton troisième Waffen, on va tout faire pour que cette fois ça se finisse pas dans un bunker. Tu prends conscience de la puissance du lobby des bits coupés quand 90%. Des pertes ne sont qu'un point de détail. Donc je m'en bats les couilles de Yad Vashem. J'suis pas une pute à juif comme Roche d'Izem ni l'éternel Vache à lait d'Israël. J'veux qu'on peut soigner d'un frey de ces suceurs de sang. C'est ce que leurs rabbins font lors des circoncisions. Strictement anti-maçonnique, la Marseillaise c'est pas mon hymne. La République juive ou une haine, et celle-ci n'est pas platonique. Bienvenue à bord du Titanic. Maudit soit l'enfant de putain qui a laissé le gouvernail au Youtre. Vivement le retour aux pyramides pour cette race de merde. Ce peuple d'ordure, moi j'ai le sang pur et je me suis finalement extirpé de la torpeur dans laquelle Moloch a plongé mon peuple. Rituels sont les meurtres. Ce texte est une incitation au pogrom plus qu'à l'émeute. Judenhaus, Judenhaus, Judenhaus, Judenhaus, Judenhaus, Judenhaus, Judenhaus, ein Volkenreichenführer, Judenhaus, Hans nimmt den Flammenwerfer, Judenhaus. Qu'ils continuent leur connerie et ça repart comme en 40, il te faut un 45 en guise de seringue. Si tu veux m'injecter un calmant, le maréchal Pétain m'a inculqué que si tu fais du bien au Youpin, il te chie dans la main. Donc je préfère les gifler, puissance Hiroshima, parce que c'est de leur faute au fond si je me sens plus chez moi. Mais ça doit pas nous détourner non plus du fait que les bougnulos mahométans sont aussi nocifs que ni kéfié, ni kippa, ni cancer, ni sida, ni Yahvé, ni Allah, ni Dimi, ni Shabbat Goy. Bien pire qu'un imposteur, le pape est un apostat. J'en ai finalement pris conscience et la chaîne c'est des vacances. Ici ils ont travesti le message, d'autres ont crucifié le Messie. Leur place en enfer est réservée depuis longtemps déjà. Allez sans retour, première classe comme au Club Med Pologne. S'il y a des fuites d'air dans cette chambre à gaz, on va la mettre au nom. Judenhaus, Judenhaus, Judenhaus, Judenhaus, Judenhaus, Judenhaus, Judenhaus, ein Volkenreichenführer, Judenhaus, Hans nimmt den Flammenwerfer, Judenhaus. Vous allez payer très cher les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas nos sous. Et vous n'aurez pas au fil. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Edom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, l'islam c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que je vous trouve au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmael pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach.